Dossier 7. Leçon 2. Vue sur les podiums. Activité 8. On trouve la même tendance chez tous les couturiers pour l'automne et l'hiver à venir. Après le blanc, le gris et le violet très présents cet été, des couleurs vives comme le rouge et le jaune éclairent les modèles des nouvelles collections. Même tendance aussi pour les robes et les manteaux, qui seront très longs. On observe le retour des chapeaux dans tous les défilés. Chez Dior, on joue sur le contraste rouge-noir. Chez Chanel, le pantalon est très présent et les bijoux apportent une touche supplémentaire d'élégance.